hier j'avais tant de séquelles. Et toi tu lui as roulé dessus avec ton espèce de poubelle. Et puis ton AOQ, mais pourtant il était mignon. Avant que tu y rentres dedans, tu lui as percuté croupion. Il ne se tenait même plus les dents. Et toi t'aurais dû t'arrêter, et pourtant tu as continué. Le sang, les poils sur le pare-brise ne t'aurait pas préoccupé. Et restait aussi son collier attaché au pot d'échappement, comme une odeur de macabre. Ce sont ces tripes que tu répands. Ce sont ces tripes que tu répands. Sa vie de chien, des nanas étaient encore enterrés dans le jardin. Adieu tes rêves de liberté, ton cœur s'est maintenant éteint. T'aurais tellement aimé qu'il trouve où était le frein. Mais ton maître va se venger, il va sortir les poings. Ça va saigner dans le quartier, le 4x4 n'est plus très loin. Enfin, il l'a rattrapé, se précipite dans le rat.